Chapitre 44e. Demian, plus calme à mesure qu'il s'accoutumait à l'étrangeté de sa situation, s'était mis à regarder autour de lui. Bien des choses qui avaient d'abord passé inaperçues dans le tumulte de ses pensées lui revenaient maintenant et provoquaient en lui des réflexions sérieuses. Un mot jeté par Cléopâtre au milieu de leur premier entretien dans le boudoir l'avait d'abord étonné, puis flatté, et ensuite, après un plus mûr examen, il en était venu à douter de la perspicacité de la princesse. Il était aimé d'Hélène, avait-elle dit. Certes, il n'y paraissait guère. Depuis la fameuse soirée à la Villa Redine, la petite Hélène semblait au contraire porter en toutes circonstances un aspect plus libre et plus indépendant. Elle n'avait pas cessé d'être douce et complaisante, mais dans sa manière d'agir comme dans son jeu, elle affirmait une personnalité plus marquée. Si Demian avait su d'où venait un tel changement, cela n'eût pas manqué d'accentuer encore son antipathie pour Aben. Heureusement, il l'ignorait. Dans la visite que le diplomate avait faite au logis de nos amis, il n'avait pas trouvé Demian, que d'ailleurs il savait absent. Mais il avait longuement causé avec les trois autres membres de cette association bizarre, et il s'était convaincu de la parfaite honnêteté de tout ce monde bohème d'allure, bourgeois d'instinct. En présence de Madame Mianoff, qui, pour la circonstance, avait le courage de se tenir droite sur une chaise pendant une demi-heure environ, il avait conseillé à la petite Hélène de s'affranchir de sa timidité inutile. Il lui avait persuadé qu'elle avait en elle l'étoffe d'une pianiste distinguée et qu'elle devait exécuter un solo au concert projeté pour les blessés du Caucase. Bainement, la jeune fille allégua son inexpérience et même son incapacité. Raben n'avait pas passé 20 ans dans toutes les cours de l'Europe pour ne pas vaincre des scrupules si honorables. Il obtint la promesse de son petit solo et se retira enchanté. Il se sentait sur la voie d'une bonne œuvre, ou du moins de ce qu'il se plaisait à considérer comme telle, et cette occupation, différente de celle qui jusque-là lui avait valu des décorations dans toutes les chancelleries, lui mettait dans l'esprit une fraîcheur fort douce. Si Demian n'avait pas eu connaissance de cet entretien, c'est que pendant la semaine qu'il avait suivie, on l'avait à peine entrevu chez lui, et quand il avait daigné s'y montrer, c'était tantôt avec un front chargé d'ennui, comme on dit dans les tragédies, tantôt avec une exubérance de gaieté qui ne laissait de place qu'à ses propres discours, tantôt avec une dignité pleine de morgue, et qui annonçait à ses amis combien il leur était supérieur. Mais quand il se fut fait une sorte d'équilibre, il s'aperçut que la petite Hélène restait beaucoup moins avec lui qu'autrefois, qu'elle travaillait beaucoup plus son piano, et qu'entre les trois amis régnait une sorte d'entente tacite qui consistait à se passer admirablement de sa présence et à lui faire sentir qu'elle n'était pas nécessaire du tout. C'est Victor qui avait inventé ce moyen de prouver à Demian qu'il avait des torts. Cela ne prouve rien du tout, par la raison que les torts se sentent et ne se prouvent pas. Mais le jeune artiste, fort piqué de se voir ainsi exclu de ce cercle de famille, essaya de reprendre son ancienne place, celle que les autres, par déférence pour son talent, lui avaient laissé prendre. Il trouva une petite résistance fine et douce, comme une de ces cordelettes de soie avec lesquelles les grands vizirs avaient l'honneur de s'étrangler par ordre du sultan. Les visages étaient toujours souriants, les paroles toujours affables, les actions pleines d'amitié et de prévenance. Mais tout cela lui disait clairement « Tu as des amis ailleurs, bah avec tes amis, mon cher Demian, ton absence ne nous gêne pas du tout. Ne te contrains pas par politesse à nous donner un temps que tu pourras mieux employer. » Il avait beau démontrer que son temps lui appartenait, qu'il n'avait pas d'amis ailleurs, la cordelette de soie restait tendue entre lui et les trois autres, qui paraissaient d'ailleurs parfaitement heureux. Quand on lui apporta le projet de programme pour le concert, afin qu'il y inscrivît les morceaux qu'il comptait jouer, il les lut avec un étonnement sans borne, « Grande polonaise de Chopin, exécutée par Mademoiselle H. Mianoff. »« À vous, » dit-il à la jeune fille, qui, son ouvrage dans les mains, attendait avec angoisse le mot qui sortirait de ses lèvres omnipotentes. Elle répondit du geste, comme c'était son habitude. « Vous n'y pensez pas. Jouer un solo devant tout ce monde. Croyez-vous que je n'en sois pas capable ? demanda-t-elle avec une sorte de coquetterie, qui, pour être nouvellement née en elle, n'en avait pas moins de charme. « Je pense, répondit-il un peu mécontent, sans savoir pourquoi, que si vous n'en étiez pas capable, vous ne vous exposeriez pas à un fiasco public. Mais vous avez toujours protesté de votre répugnance pour les solos. Je ne croyais pas que vous eussiez eu le temps de changer d'idée. » « Il ne faut pas si longtemps pour changer beaucoup d'idées, » riposta vivement Hélène, qui rougit aussitôt de son audace. Demian la contempla avec un trouble croissant dans l'esprit. Cette fillette avait-elle deviné ses sentiments à lui pour la princesse, ou bien faisait-elle l'allusion à un penchant qu'elle avait eu pour lui, et qu'elle avait dompté assez pour n'y plus songer? La pensée qu'il pouvait avoir été aimé, même de la petite Hélène, et ne plus l'être, lui fut extrêmement désagréable. Il ne se souciait guère de cette petite fille, bien entendu. Mais si, après l'avoir aimée, elle s'était permis de lui retirer son cœur, il y avait là une impertinence notoire. Qu'avait-il fait pour démériter de son accompagnatrice? Un examen de conscience des plus succincts lui prouva qu'il n'avait pas démérité le moins du monde de qui que ce soit. Ses sentiments pour Cléopâtre n'avaient absolument rien à voir avec ceux de ses amis, c'était clair comme le jour. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-il enfin, s'avisant que cette question était peut-être le seul moyen de s'éclairer. « Mon Dieu, » reprit-elle très honteuse d'en avoir dit si long, « on a des idées et l'on change, n'est-ce pas ? Ce n'est pas rare. Cela arrive à tout le monde, à vous-même. Il ne s'agit pas de moi. » Reprit Demian avec cette gravité qu'il avait importée de la villa Redine. « Mes idées n'ont pas changé, ce sont les vôtres. » Une procédure aussi rigoureuse était bien faite pour déconcerter Hélène. Aussi fit-elle un plongeon désespéré qui la mena tout à coup au fond d'une question brûlante. « Eh bien oui, » dit-elle, se trahissant sans s'en douter, « on a quelquefois des idées bêtes. On s'en aperçoit et alors on fait tout ce qu'on peut pour les ôter de sa tête et... « Et l'on réussit ?» demanda Demian en se rapprochant. Un intérêt soudain venait de le prendre. À la pensée que cette pauvre enfant avait pu concevoir la pensée héroïque de lutter avec l'amour qui lui avait inspiré. C'est ici que la petite Hélène subit un combat cruel. Mentir lui semblait odieux, et d'ailleurs impossible. Dire la vérité était moins odieux, mais également impraticable. Elle essaya deux fois de prononcer un « oui » qui l'étranglait, et d'arrêter un « non » qui l'étouffait. Enfin, elle trouva, sans le savoir, un moyen terme. « Oui. » dit-elle hardiment pendant que tout son être doux et charmant, sa rougeur flottante, ses yeux qui demandaient grâce pour l'auteur de ce mensonge, disaient non bien plus haut. « Ah !» fit Demian étrangement ému. « Vous êtes brave, Hélène. »« Oh non !» répliqua-t-elle bien vite en se détournant. Il resta silencieux un moment. Elle était brave de toute façon, puisqu'elle mettait dans le courage à se défendre. Pauvre petite, il aurait dû y songer. C'était écrit. Comment eût-elle résisté à la présence journalière de Demian, Demian qui séduisait des princesses? Au souvenir de la façon dont il était traité par sa soi-disant conquête, il ne put se défendre d'un serrement de cœur. « Voilà comment je devrais être aimé, » se dit-il. « Quel malheur que tout le dévouement soit ici et tout le reste là-bas. » « Hélène, » reprit-il au bout d'un instant, « vous êtes une bonne créature. » J'ai beaucoup d'amitié pour vous. Je ne vous connaissais pas. Maintenant, je serai plus juste avec vous. » Elle répondit un merci très faible et très doux. « Vous avez raison, » reprit Demian, emporté par sa générosité. « Grandement raison de vouloir jouer seul. Il faut vous faire un nom. Vous donnerez un concert quand vous serez de retour à Moscou, et je jouerai pour vous comme vous avez joué pour moi. » Avec sa grandeur d'âme ordinaire, il tendit la main à Hélène. Il ne savait pas au juste à quoi il s'attendait, mais il n'eût pas été surpris de l'avoir baigné de pleurs de reconnaissance. Quel ne fut pas son ébahissement, en se sentant virilement secoué par la petite Hélène, qui lui donna une forte poignée de main en lui disant d'un ton joyeux « Merci, Demian ». Demian tout court. « Un shake hands à l'anglaise ». Il en fut tellement abasourdi qu'il prit son violon et fit au moins une heure de gamme avant d'avoir recouvré ses esprits.